je crois qu'il est temps donc de passer à l'intervention suivante. À qui est l'énergie ou je sais pas si vous voulez changer. Comme vous voulez. Je peux parler là aussi. Oui, c'est circulaire. Je prononce bien votre nom. Akide Negi, pardon, ok. Donc, qui va nous parler d'un sujet dans le prolongement de Yvon Inizan, l'amour de l'échec et son témoignage, la question de la poésie, chez Jean-Paul Sartre. 35 minutes aussi. Très précieuse. Et avant de commencer mon exposé, j'aimerais faire quelques remarques sur mon exposé. Premièrement, j'ai un peu changé le titre. Le titre dans le programme, c'est « L'amour de l'échec », mais j'ai changé à « L'amour de l'impossible ». Et deuxième, j'ai distribué l'ensemble du texte que je vais lire aujourd'hui. Et je sais que ce n'est pas très normal, mais c'est parce que je ne suis pas très fort à l'oral. Et c'est pour faciliter la discussion qui suit mon intervention. Donc merci d'avance de votre compréhension. Voilà, donc je commence. Introduction. Dans une interview accordée dans ces dernières années, Jean-Paul Sartre, penseur et écrivain français, affirme que l'expérience de la Seconde Guerre mondiale l'a conduit à un changement radical de son attitude vis-à-vis du monde. Ce changement, on pourrait le résumer en une formule. Transformation de l'attitude de l'individu singulier qui croit en l'art pour l'art, en celle de l'intellectuel total qui professe hautement son engagement. En dépit de cette explication à première vue décisive, donnée par Sartre lui-même, les opinions des spécialistes sur le sujet semblent diverger. D'un côté, on résume toute l'activité sartrienne en un détournement du singulier vers l'engagement politique, en attachant une importance primordiale à sa métamorphose. Mais de l'autre, il y a des interprétations qui cherchent à démontrer la cohérence de l'entreprise sartrienne. Du point de vue en particulier de la relation entre Sartre et l'art, on peut dire que cette divergence de vue se résume en l'alternative que voici. Voir dans le retournement sartrien un adieu à l'art ou non. L'objectif de cet exposé n'est pas de rendre un arbitrage direct sur ce problème. Ce que nous voudrions plutôt mettre en cause, c'est la thèse implicite que semblent supposer tous les commentateurs, quelle que soit leur position. L'esthétique sartrienne est celle de l'image. Il est vrai que la théorie sartrienne de l'image a été exposée dans son ensemble par l'imaginaire, dans la première période de l'auteur, et que la plus grande part de l'esthétique sartrienne paraît avoir été développée suivant cette théorie. Mais par ailleurs, il est aussi vrai qu'à partir des années 40, le mot poésie, auquel Sartre donne une acception particulière à mon avis, a commencé à s'observer de côté et d'autre dans ce texte, et à déterminer son esthétique explicitement dans certains contextes, implicitement dans d'autres. Se demander si Sartre a dit adieu à l'art ou non n'est donc possible qu'après un travail d'éclaircissement du statut qu'occupe cette notion de poésie dans la démarche philosophique de Sartre. Dans cette mesure, il me semble indispensable d'essayer de reconstruire sa pensée du point de vue de la poésie pour étudier son esthétique. Conduite par tel intérêt, notre étude se propose de mettre en lumière les considérations sartriennes sur la notion de poésie en se reportant entre autres à qu'est-ce que la littérature et à Saint-Genis, comédien et martyr, et aussi de montrer la raison qui nous amène à tenir sa réflexion sur la poésie pour un système cohérent. Notre conclusion sera la suivante. La figure du poète qui choisit un prosier impossible en inversant l'ordre du monde et de l'efficacité et remet cette impossibilité au poème. Ça se résume au mot poésie. Elle en est arrivée à occuper, comme ce qui témoigne de l'ambiguïté de l'existence par sa propre contradiction, une place primordiale dans la pensée sartrienne. 1. Le poète est le projet impossible. Différent des concepts définis d'une manière rigoureusement philosophique comme dans l'être et le néant, le mot poésie s'emploie souvent sans définition précise et possède ainsi une certaine ambiguïté comparée à eux. Il est utilisé tantôt pour signaler le poème en sens étroit du mot, c'est-à-dire un genre de la littérature, tantôt pour désigner l'attitude du poète envers le monde. C'est pourquoi il est nécessaire avant tout d'éclaircir son acception. Dans Cahiers pour une morale, écrit en 47 à 8, Sartre donne des explications fragmentaires sur la poésie, que voici. Si l'échec est aimé, est reconnu à la fois, sans conversion ou en dehors de la conversion, c'est la poésie. Malédiction issue de poésie, c'est-à-dire de l'amour de l'échec, amour de l'impossible. La poésie sauve l'échec en tant que tel, persuade à l'homme qu'il y a un absolu. C'est absolu, c'est l'homme. Notons trois points. D'abord, que le poète veut l'échec et l'impossible, et que c'est la poésie. Puis, que la poésie sauve l'échec en tant que tel. Enfin, que la poésie montre à l'homme comme un absolu. Au premier coup d'œil, ces remarques apparaissent contradictoires, et de surcroît, leur rapport avec leur poétique est obscur. Mais il est possible de les interpréter de façon cohérente en se référant à la réflexion sartrienne sur le projet impossible et la position qu'occupe la poésie dans la littérature, telle qu'elle est exposée dans Qu'est-ce que la littérature, texte contemporain des Cahiers et Saint-Genest, écrit quelques années plus tard. Dans Qu'est-ce que la littérature, Sartre considère l'attitude du poète comme une attitude d'échec, en la distinguant de celle du prosateur. Sur Sartre, le prosateur présente l'acte dans le réel. Comme en général, l'action cherche à combler le besoin, elle est un moyen pour un certain but. En ce sens, au prosateur qui dépeint l'acte humain, le monde se déploie, dévoile comme une chaîne, sous un ordre utile qui s'oriente vers un but. Par contre, à celui qui choisit l'échec, c'est-à-dire au poète, le monde fait voir une toute autre physionomie. Car dans le monde de l'action, quand les instruments sont brisés, hors d'usage, les plans désuets, les efforts inutiles, le monde apparaît d'une fraîcheur enfantine et terrible, son point d'appui, son chemin. C'est un monde dont l'ordre est inverse de celui dévoilé par le prosateur. Les choses du monde dans lequel l'action réelle se déroulait passent à l'inessentiel et se changent en prétexte à l'acte, qui devient quant à lui sa propre fin. Par exemple, pour le prosateur qui suit le principe d'utilité, le vase est là, à titre de ce qui est à remplir d'eau, et Hector et Achille combattent pour gagner la guerre de Troie. L'acte de remplir la vase et celui de combattre ne sont que des moyens. En revanche, pour le poète, qui refuse l'efficacité de l'action, le vase est là pour que la jeune fille ait un geste gracieux en le remplissant. La guerre de Troie éclate pour qu'Hector et Achille livrent un combat héroïque. C'est que pour lui, l'action elle-même devient la fin, et qu'en même temps, le remplissage de vase ou la guerre de Troie se transforme en simple moyen. Une telle attitude, en ce qu'elle ne tient aucun compte de l'efficacité de l'acte, paraît être une simple fuite du monde réel où il est issu. Cependant, d'après Sartre, elle n'est pas une évasion hors du monde, mais son appropriation. Le monde demeure l'inessentiel, dit-il, mais il est là, maintenant, comme prétexte à la défaite. C'est que le monde, en cessant d'être la sienne des ustensiles, persiste quand même à titre du moyen de l'échec, au lieu de disparaître. Le poète s'abandonne par le monde, mais plutôt se l'approprie. L'attitude du poète est dans cette mesure une façon de vivre le monde réel, bien qu'il soit réduit à l'état de moyen inessentiel. Dans Qu'est-ce que la littérature ? Sartre n'a consacré qu'un court développement de quelques pages à cette perspective sur la poésie. Mais Saint-Genest, publié 5 ans après, livre de psychanalyse existentielle sur le poète écrivain Jean Genet, nous semble un vaste exposé de cette argumentation extrêmement succincte et condensée. En effet, dans Saint-Genest, Sartre définit Genet comme le faux prosateur qui est en réalité le poète, et analyse sa poésie comme une manière de vivre. L'examen concret de ce texte nous montrera clairement la correspondance entre ces deux idées. Considérons par exemple le chapitre intitulé « Le couple éternel du criminel et de la sainte » dans Saint-Genis. Selon Sartre, Genet obéit dans sa pédérastie à des aimés en tant qu'un amant, et s'abandonne à eux. C'est parce que la beauté des aimés fascine Genet pédéraste. La place qu'occupe Genet paraît donc être dépendante et inessentielle. Mais ce n'est pas le cas, dit Sartre, car il n'est pas vrai que ces aimés soient de beaux voyous ou des criminels héroïques. Genet sait qu'ils sont en réalité de faux durs, c'est-à-dire des lâches, ou des hommes simples ou grossiers, qui sont loin d'être des criminels grands et beaux. Les beaux voyous qui séduisent Genet et par lesquels il se laisse peindre ne sont, en ce sens, qu'une apparence qu'il a lui-même créée et projetée sur des lâches. Ainsi, les aimés qui ont l'air de le subjuguer ne sont en réalité que le moment inessentiel, et Genet, qui paraissait avoir choisi la dépendance et l'obéissance, se trouve à l'opposé, dans la position essentielle qu'est celle du créateur de l'apparence. Étant donné que cette attitude dépendante de Genet est appelée attitude d'échec, et que le monde ainsi dévoilé est présenté comme un monde dont la finalité est inversée, il est évident qu'elle correspond à l'attitude poétique que nous avons vue plus haut. Mais il faut ajouter que dans Saint-Genet, cette attitude est reprise et détaillée clairement du point de vue de l'objet et du sujet. Pour Genet visant le mal, le beau voyou incarne l'objectivité ou l'opacité de l'en-soi, du mal, dans la mesure où il représente pour lui le criminel ou mal objet, c'est-à-dire son essence éternelle. Et puisque le monde inversé est ordonné non par la loi d'utilité, mais par cette essence objective, Genet, en obéissant au pédéraste actif, se fait chose et se soumet au règne des choses, et par conséquent, s'évanouit dans la pure objectivité. En bref, Genet pénètre dans le monde objectif à titre d'objet. Mais d'autre part, selon Sartre, Genet demeure le sujet vrai, puisque c'est précisément Genet lui-même qui a inversé l'ordre du monde. Alors, il est évident que telle attitude est contradictoire. Genet sait d'un côté que les beaux voyous auxquels il s'abandonne sont en réalité de faux durs et non de grands et beaux criminels. Mais en même temps, d'un autre côté, Genet se laisse tenter par eux parce qu'ils sont réellement beaux. Les pédérastes actifs sont donc tout à la fois beaux et ne le sont pas. De plus, dans une perspective de sujet et d'objet, Genet est totalement l'objet et en même temps entièrement le sujet. C'est contradictoire et par conséquent simplement impossible. Mais d'après Sartre, Genet choisit précisément cet impossible même. C'est Genet, ne trouvant un désir éperdu d'impossible. Cela signifie que le projet de Genet, ou plus généralement celui du poète, est de vivre un soi essentiellement impossible en devenant tout à la fois l'objet absolu dans le monde inversé et le sujet absolu qui se l'approprie. Cependant, dès que cet impossible est au pied de la lettre impossible, comment le poète le vit-il? Dans Saint-Genet, Sartre utilise la notion de truniqué, une sorte de dialectique qui lui est propre. Soit lui, c'est un principe général que suppose en commun des notions telles que l'apparence, le mal, la sainteté, la trahison ou le geste, qu'il introduit pour analyser le projet et le choix de Genet. Alors, il nous semble possible de tenir ce truniquet pour un modèle philosophique qui explicite la manière dont le poète vit son projet impossible. Vérifions cela en nous penchant encore une fois sur l'exemple de la pédérastie. D'après Sartre, Genet se réfère constamment à deux systèmes de valeurs opposées et incompatibles, en l'occurrence à ceux du sujet et de l'objet, et refuse d'en choisir un. Il s'y reporte circulairement. Voici comment il le fait. Thèse. Genet pénètre dans le monde objectif en se laissant fasciner par la beauté des grands criminels, l'essence du mal. Il est donc un objet. Antithèse. Mais leur beauté est dépendante de Genet, qui a lui-même créé l'apparence de concriminel et l'a projeté sur de faux durs. En ce sens, Dune est essentiel. Il est le sujet absolu. Retour à la thèse. Mais comme Dune est réellement tenté par ses aimés, ce sont eux qui sont essentiels, non Dune. Dune est donc l'objet dans le monde objectif, malgré tout. Retour à l'antithèse. Mais non, car, etc., etc. Ainsi, la circulation infinie se forme-t-elle? Puisque la thèse et l'antithèse sont par nature incompatibles, les deux termes ne se synthétisent jamais dans cette dialectique. Mais selon Sartre, Dune, en radicalisant cette circulation jusqu'à l'extrême de la vitesse, donne naissance à l'unification non synthétique des contradictoires, à la limite du mouvement, comme la rotation assez rapide d'un disque multicolore donne du blanc. Autrement dit, Dune pousse la synthèse impossible de l'objet et du sujet, et la fait apparaître d'une façon sophistique à la limite du mouvement circulaire. C'est ainsi que le poète vit le projet impossible. Compte tenu de ces remarques, nous pourrions récapituler de façon suivante l'interprétation développée dans les cahiers. Le poète choisit l'échec en renversant l'ordre du monde, ce qui est impossible. Le projet du poète est en ce sens la mort de l'impossible. Mais il fait exister captieusement cet impossible en radicalisant sa contradiction. Alors, une question se pose ici, puisque l'unification sans synthèse de la contradiction n'est en fin de compte qu'une apparence, et donc impossible, comment peut-on dire que l'échec est sauvé en tant que tel? Pour répondre à cette question, nous devrons examiner la relation entre le projet impossible et l'œuvre poétique. Le projet impossible est l'œuvre poétique. Avant d'aborder l'analyse du rapport entre le projet impossible et l'œuvre poétique, donnons une vue concise du statut qu'occupe l'œuvre poétique chez Sartre. Dans Qu'est-ce que la littérature ? Sartre distingue nettement la prose et la poésie. Il y affirme que le poète fixe ses yeux sur la réalité des mots et qu'ils deviennent par conséquent des choses. Tandis que dans la prose, les mots fonctionnent comme simples véhicules de la signification. Par exemple, le mot Florence ne désigne pas en poésie quelque chose d'autre que lui, mais il est tout à la fois ville, fleur et femme. Dans ce mot, des éléments comme la liquidité du fleuve, la douce ardeur forte de l'or, la décence, l'épanouissement plein de réserves plongées par l'affaiblissement continu de l'humilier, et le souvenir personnel d'une actrice nommée Florence dans un certain film américain coexistent en se confondant. D'après Sartre, le mot dans la poésie existe ainsi comme une chose, une osmose composée d'éléments, par exemple la forme visuelle ou auditive, ou bien le facteur sémantique, etc. Cet ensemble des éléments constitutifs du mot poétique, c'est ce que Sartre appelle « sens », en le différenciant d'avec la signification de la prose. Dans Qu'est-ce que la littérature ? Sartre nous semble donner la solution du problème de la relation entre le projet impossible et l'œuvre poétique du point de vue de ce mot-chose. Le vers étant une chose qui cesse d'être un moyen de transmission, il est dans la poésie un échec de transmission. Autrement dit, dans la poésie, la transmission est impossible. De cette affirmation, Sartre, en dérapant le sens du mot impossible de celui de l'impossibilité de la transmission à celui d'impossibilité devenue une chose, tire une conclusion. S'il est vrai que la communication soit impossible dans la poésie, alors chaque mot devient instrument de notre défaite et receleur de l'incommunicable. Ce n'est pas qu'il y ait autre chose à communiquer, mais c'est le sens même du mot qui devient l'incommunicable pur. Cela veut dire que, dans l'échec de la transmission qu'est la poésie, le mot devient l'intransmissible même, et en ce sens commence à servir au poète à titre d'instrument de sa défaite, à savoir ce qui présente son projet impossible. Ainsi, Sartre relie-t-il le projet impossible de Poit à son œuvre en faisant déraper le sens de l'impossible, de l'impossibilité de la transmission à celle problématisée dans le contexte de l'instrument de notre défaite, c'est-à-dire du projet impossible. L'explication donnée dans Saint-Junet ne semble pousser plus loin encore cette argumentation sur le projet et l'œuvre du Poit. Comme nous l'avons vu, le vers est une chose, et donc pour cette une objectivité. Néanmoins, ce ne signifie pas qu'il existe comme une simple chose, à la manière par exemple d'une table ou d'un caillou. Sartre disait plutôt dans Qu'est-ce que la littérature, que la signification du mot persiste en se réduisant en l'un des attributs du mot chose. Ajoutons que dans l'analyse de la poésie développée dans Baudelaire, il a déjà expliqué de la façon suivante. Le spirituel, c'est-à-dire le fait poétique baudelairien, est un être et, qui se manifeste comme tel. De l'être, il a l'objectivité, la cohésion, permanence et l'identité. Mais cet être se caractérise par une manière d'absence, il n'est jamais tout à fait là, ni tout à fait visible. Il reste en suspens entre le néant et l'être. C'est que le poème est un être ambigu, c'est de la subjectivité du poète, alors qu'il possède l'objectivité de la chose. Ce serait dans une telle perspective que dans Saint-Genet, Sartre dit que le mot est du côté du sujet et du côté de l'objet. Elle cherche de plus à découvrir le troniquet dans les vers même du Junet. Et c'est précisément là que le projet impossible, qui est l'unification non synthétique de la contradiction sujet-objet, se joint à l'œuvre poétique. En vérité, la poésie nous présente les contradictions réalisées. L'existence s'épuise à maintenir un conflit sans solution. Le poème, qu'il soit poème écrit ou poème objet, c'est ce même conflit, mais en repos, inscrit dans le calme de l'être. C'est que le poème, qui persiste lui-même comme un troniquet du sujet et de l'objet, présente, en tant que chose, l'existence, ou mieux, la contradiction du poète, sans l'annuler. En un mot, le projet impossible du poète n'est en soi qu'une apparence à la limite du mouvement circulaire. Cependant, en étant inscrit dans le mot chose, il se transforme en une chose munie de l'objectivité. De ce qui précède, on peut tirer une interprétation des citations de Caillé. Le choix de l'échec est par nature impossible, mais le poète est en mesure de le présenter sous la forme de l'œuvre poétique, car elle possède tout à la fois la subjectivité et l'objectivité. Ainsi s'explique pour le moment la mise en rapport sartrienne de la poésie et du salut de l'échec en tant que tel. La poésie comme témoignage, la radicalisation d'exister. Enfin, examinons l'affirmation suivante, laquelle la poésie présente l'homme comme un absolu, en jetant un jure en particulier sur le rapport entre la poésie et la morale. La plupart des considérations sartriennes sur la poésie que nous avons examinées jusqu'ici se présentent sous forme de monographies consacrées à des poètes particuliers. Dans ces conditions, il peut sembler injustifiable de les identifier précipitamment à sa propre philosophie. Mais il faut remarquer que tout au long de Saint-Junet, Sartre reconnaît assez visiblement la grandeur de Junet poète. Qui plus est, dans l'interview accordée en 1960 à Madeleine Chapsal, il dit « Mallarmé et Junet, je vais à eux en toute sympathie. Ils sont l'un et l'autre engagés consciemment. » Cela signifie très exactement que pour Sartre, Junet incarne l'engagement que lui-même a revendiqué. Dans cette optique, il est évident que l'art de la poésie occupe une place très importante dans la pensée sartrienne. Mais d'autre part, Sartre qualifie l'art de Junet de trucage, imposture, mensonge, sophistique, etc. C'est parce que, comme on l'a vu dans la première partie, le poète se repose sur l'attitude mystificatrice avec laquelle il déguise par le mouvement circulaire du trou niqué, le projet impossible en projet possible. Cette manière de dévaler le monde et l'attitude, que dans l'esquisse d'une théorie des émotions, Sartre a appelé l'attitude magique ou la conscience captive. Il la théorisera dans L'être et le néant, mauvaise foi, pour la raison que l'homme, dans cette attitude, se dissimule la réalité du monde en son propre être dans le monde. Alors, le but principal de la morale de l'authenticité chez Sartre vise à se libérer de la mauvaise foi, et l'engagement porte le sens de ce processus de libération. Nous nous trouvons donc ici face à la conséquence que voici. L'engagement que reconnaît Sartre dans la poésie de Junier et, par ailleurs, la mauvaise foi qu'il a sans cesse mise en accusation. Comment expliquer cette contradiction apparente? C'est pour anticiper sur notre conclusion, parce que le poète joue le rôle de témoin de l'existence, elle-même contradictoire et impossible. Junier ne résout pas la contradiction. Il vit. Si elle se déplaçait en lui vers quelques synthèses, Jean Junier disparaîtrait. Il s'agit de maintenir les termes ensemble par la vitesse. S'il s'arrête, il est perdu. Bref, il existe. Maintenir les termes de la contradiction ensemble par la vitesse, ce n'est rien d'autre que de pousser jusqu'à l'extrême le mouvement du trou niqué. Ici, par conséquent, vivre la contradiction par le mouvement circulaire s'assimile à exister. Mais pour quelle raison? En retournant à l'être et le néant, on peut constater qu'exister, c'était d'abord être pour soi, à l'état suspendu, sans aboutir à l'identité objective de l'en-soi. C'était, d'après une expression souvent utilisée par Sartre, être ce qu'il n'est pas et n'être pas ce qu'il est. Par exemple, comme il est montré dans le chapitre « La mauvaise foi », le garçon de café n'est pas en mesure d'être le garçon de café en soi. Il ne peut l'être que pour soi, à savoir qu'à la manière de ne l'être, n'être pas le garçon. Autrement dit, pour le garçon de café, il est impossible d'être le garçon en soi. Deuxièmement, comme l'analyse du poids autrui l'a démontré, la réalité humaine doit être son propre être pour autrui, comme relation contradictoire du sujet et de l'objet. Car d'un côté, elle ne peut pas échapper à l'objectivation de la part du regard de l'autre, mais de l'autre, il ne peut pas, pour autant, abolir sa subjectivité. Par exemple, dans le chapitre « Les relations concrètes avec autrui », les rapports avec autrui ont été tous présentés comme des relations impossibles, qui aboutissent structurellement à l'échec. Bref, si ces deux facettes, exister signifie être la relation contradictoire et impossible du sujet et de l'objet. Par conséquent, voici ce qui me semble s'avérer maintenant. En poursuivant l'impossible et en essayant de synthétiser par l'imposture le sujet et l'objet, le poète est la contradiction sujet-objet de l'existence et la pousse jusqu'à l'extrême. En cette fonction, le poète mystificateur finit par jouer le rôle d'un miroir qui témoigne de l'existence contradiction à l'existence elle-même. C'est pourquoi Sartre apprécie moralement l'attitude trompeuse du poète. Nous avons pu ainsi rendre compte de l'affirmation au premier abord contradictoire de Sartre. Mais encore ne faut-il ajouter tout de suite ceci. Chaque existence dont témoignent les poètes par leur projet impossible est singulière et donc irréductible aux autres. Dans Saint-Junier, Sartre explique la qualité de l'abjection, attitude poétique que choisit Junier par les siècles. L'abjection est une conversion méthodique, comme le doute cartésien, et l'époque husserlienne. Elle constitue le monde comme un système clos que la conscience regarde de dehors, à la manière de l'entendement divin. La supériorité de cette méthode sur les deux autres, c'est qu'elle est vécue dans la douleur et l'orgueil. Aussi ne conduit-elle pas à la pensée formelle et abstraite de Stoïcien, ni au cogito substantialiste de Descartes, mais à une existence singulière, au plus extrême de sa tension et de sa lucidité. C'est que la poésie renvoie l'existence surtout à sa physionomie singulière. Comme nous l'avons vu, l'attitude poétique et le renversement de l'ordre du monde consistait à inverser l'ordre de la chaîne moyen but et à faire de l'acte un but. Pour le prosateur, l'acte n'a que la valeur générale du remplaçable, puisqu'il est le moyen. L'action, en tout cas, généralise, comme le dit Sartre. Par contre, pour le poète, l'acte devient ce qui est lui-même un but, à savoir l'irremplaçable. Ainsi renvoie-t-il à l'existence, à la physionomie colorée de sa propre singularité et de son irréductibilité. Par exemple, Genet voleur et pédéraste, Baudelaire dandy, Mallarmé suicidé dans le poème. C'est de telle manière que les poètes vivent leur projet impossible à le confier à leur poème, et les existences montrées par la poésie ne se ressemblent donc pas. C'est pour exprimer cette singularité, à notre avis, que Sartre se sert entre autres du mot témoigner quand il parle de la poésie. Maintenant que nous avons compris le statut de témoin singulier qu'attribue Sartre à la poésie, la citation des cahiers, la poésie présente l'homme en tant qu'un absolu, me semble clair. Ce que présente la poésie par son impossibilité, c'est la réalité humaine qui existe elle-même dans une contradiction impossible à résoudre. En tant que telle, elle n'est pas l'homme au sens de l'espèce humaine abstraite, mais celui dont chacun est par sa singularité irremplaçable. Dans cette mesure, elle est l'existence absolue, à savoir l'homme comme un absolu. Dans ces conditions, le bilan de cette étude serait le suivant. L'échec du poète cristallise en un poème qui témoigne de l'homme absolu. En ce sens, l'échec du poète est sauvé en tant que tel. Conclusion. Comme nous l'avons vu jusqu'ici, l'attitude trompeuse du poète, poussée jusqu'à l'extrême, finit par témoigner, par son impossibilité même, de la contradiction de l'existence sous son aspect singulier. La notion de poésie chez Sartre, c'est précisément cette mise en relation du poème et du témoignage. Or, il ne faudrait pas dire que cette série de considérations sartriennes n'ait rien à voir avec la théorie de l'imagination. En effet, le projet impossible du poète est dans une étroite relation avec l'irréalisation opérée par l'imagination, dans la mesure où il est en réalité impossible. Il faudrait ajouter aussi que la notion de sens du poème est inséparable de l'attitude imageante vis-à-vis du monde. Dans cet exposé, nous n'avons pas pu consacrer assez de temps à ces problèmes qui démontraient un examen minutieux de l'imaginaire. Seulement, une chose me semble mériter l'attention à présent. C'est que ce projet impossible, bien qu'il s'entrelace d'un côté avec l'imagination, aboutit de l'autre à la création d'une œuvre poétique, c'est-à-dire une chose réelle. En ce sens, la réflexion sartrienne sur la poésie est à examiner au lieu où s'articulent le réel et l'irréel, l'être et le néant, et donc sollicite la perspective totalisante de l'existence qui engloberait la problématique de l'image. Et enfin, il faut répéter encore une fois qu'à la différence des considérations sur l'imagination, la pensée sartrienne de la poésie n'est pas organisée sous forme de système théorique. Les remarques faites sur la poésie dans la cahier ou qu'est-ce que la littérature étaient en effet bien fragmentaires. C'est pourquoi, au premier coup d'œil, elle semble manquer de la cohérence nécessaire à la théorie philosophique. Mais comme nous venons de le voir à travers la lecture de Saint-Genès, notamment, l'intérêt de Sartre pour la poésie est consistant. Et à notre avis, Sartre semble avoir continué sa réflexion sur la poésie de manière indirecte, c'est-à-dire en la déplaçant de ses œuvres philosophiques aux critiques biographiques. Une série de textes bien particuliers qui se termine par le gigantesque « L'idiot de la famille ». Dans cette optique, le problème de la relation de Sartre avec l'art demande la mise entre parenthèses de l'interprétation dichotomique « beauté, abandon de la beauté » et la relecture des critiques biographiques du point de vue de l'impossible. C'est entre autres à travers ce travail que nous devons nous mettre à traiter de sa pensée esthétique. Voilà, je vous remercie. question, une remarque qui croise évidemment les deux exposés. Je pense que déjà le mérite de votre intervention, c'est déjà de montrer que la façon de poser le problème de l'échec ou de la conduite d'échec est déjà beaucoup plus élaborée, beaucoup plus complexe, j'ai l'impression, que dans le Baudelaire. Et en fait, la question de la conduite d'échec du Kipergagne, déjà évoqué, évidemment, on la retrouvera encore plus centrale, c'est-à-dire comme vraiment un ressort, un opérateur conceptuel majeur du Flaubert. Au moment où ce Kipergagne, cette conduite d'échec, n'intervient plus du tout pour discriminer parmi les différents genres poétiques, les différents genres littéraires. En fait, j'ai l'impression que si le dispositif de l'échec dans le Baudelaire sert à partager prose et poésie, là, avec Genet, la chose se brouille, justement, parce que Flaubert, parce que Genet est un faux prosateur. Bref, on voit bien que ça commence à se dissocier de la question d'une classification intralittéraire pour après s'autonomiser. En fait, la thématique de l'échec restera toujours présente, mais elle change de fonction par rapport à la problématisation des différentes contrées littéraires. Voilà, c'était ce que vous en pensez. Cette question-là. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. dans Baudelaire, Sartre est très sévère contre le poète, mais à mon avis, c'est après ce livre que Sartre a commencé à moraliser le statut positif de la poésie dans son système de la philosophie. Donc, il faut dégager ce système pour comprendre l'ensemble de la pensée littéraire de Sartre. C'est mon avis. Oui, je pense aussi qu'il y a une évolution dans la pensée de Sartre. Moi, je suis un peu cantonné à un moment encore rude, un peu sévère. Il est vrai que les frontières semblent disparaître. Le jeunesse est très net. En même temps, de façon parallèle, la poésie est à certains égards de la vérité. Mais enfin, on peut dire parler de l'échec de la poésie, mais c'est un échec, évidemment, qui est magnifié et qui révèle, qui porte témoignage. De ce point de vue-là, oui, c'est tout à fait juste. C'est super. Merci. Merci beaucoup pour vos deux exposés. En fait, je les trouvais vraiment très très passionnants. Je me demandais en vous écoutant si, d'une certaine façon, une manière de penser de manière un peu plus de réussir à sortir ce que vous appeliez tout à l'heure sortir de l'échec et sortir des mots, sortir de l'institution scripturaire des mots. Voilà, du théoricien, ce serait pas au fond d'aller vers au fond une confrontation à l'impossibilité de la poésie comme une injonction à penser la signification de l'existence, c'est-à-dire de penser au fond l'existence comme à styliser l'existence d'une certaine manière, une stylistique de l'existence qui serait pas prise dans l'espèce de tourniquet infini baudelairien, mais d'une pensée de l'existence qui ne pourrait pas s'exprimer mais qui correspondrait réellement en fait à ce que vise la théorie de la conscience, quoi. Une signification qui serait vivante et non pas déposée, toujours déjà sédimentée et jamais vécue comme telle, parce que précisément elle s'exprime, mais elle s'exprime toujours par l'intermédiaire de quelque chose qui est institué. Au fond, est-ce que la poésie, chez ça, ce ne serait pas d'abord la vie et pas le poème ? Voilà, bêtement. Oui. Oui, je pense. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est la poésie, c'est d'abord une manière d'être. Et pas le genre littéraire. Donc, voilà. Ça voudrait dire qu'il faudrait aller vers une philosophie de la vie et pas vers une philosophie de la conscience, une philosophie de la création. Vous pouvez répéter encore une fois votre question. Est-ce que alors peut-être une solution serait pas d'aller vers une plutôt qu'une philosophie de l'échec, enfin de la poésie comme échec, une manière de voir la poésie comme succès serait à ce moment-là de sortir de d'une théorisation de la conscience et d'aller vers une forme de vitalisme, d'exaltation de la créativité, de la possibilité de poser des valeurs inédites, etc. Oui, je pense. Merci. Oui. Cela dit, on peut pas non plus effacer le texte. Enfin, c'est pas simplement une vie poétique qui porterait témoignage de ce tourniquet, enfin, de cette contradiction-là. C'est le texte aussi qui révèle le projet, quoi, sans quoi tout le monde est témoin, mais c'est pas le cas. Il faut avoir ce projet qui se manifeste dans le poème, un projet impossible, mais qui n'a pas d'autre manifestation que l'écriture poétique, et par laquelle on peut donc identifier. L'œuvre, par conséquent, est fondamentale. Enfin. Mais dans un deuxième temps, à partir de ce projet-là, se révèlent en effet les contradictions portées par le poète, et cette synthèse impossible. D'autres questions, commentaires ? Ouais, juste un petit commentaire. Merci beaucoup pour cet exposé. C'est vraiment excellent parce qu'il montre bien toutes les difficultés de la position sartrienne et il rend super bien compte de la cohérence de son projet en général. Juste un petit truc pour aller dans votre sens. Je pense que vous devriez pouvoir travailler assez facilement. C'est vous avez juste, je pense, dans l'assimilation de l'idée de mauvaise foi et de conscience captive, mais en fait, il y a un ensemble de présupposés philosophiques qui, je pense, sont la critique de Husserl, en fait, qui, dans l'être et néant, qui explique ce changement de vocabulaire. Et l'imagination n'a pas tout à fait la même fonction. Enfin, elle n'est plus conçue de la même manière, elle ne joue plus vraiment le même rôle. Et dans l'être et le néant, en un certain sens, c'est elle qui permet la réalisation, enfin, la naissance du rêve. Enfin, dans les deux derniers jours, du moins, c'est ainsi que j'en suis venu à comprendre les choses. Et donc voilà, je pense que vous pourriez raffiner ça pour bien montrer justement qu'il y a, deux, il y a au moins une, et peut-être deux étapes effectivement dans sa pensée. Merci encore. Oui, j'ai un peu schématisé un peu trop pour clarifier les enjeux. Oui, mais il faut peut-être préciser un peu plus. En plus, Sartre ne qualifie jamais Junet de mauvaise foi. Donc, c'est pour schématiser mon argumentation. Oui, une petite remarque enfin sur ce qu'on vient de dire là. Enfin, c'est exactement votre conclusion en fait, mais c'est peut-être pour vous permettre de développer un petit peu. Tout se passe comme si au fond l'échec de la poésie il avait lieu dans le Baudelaire. Ou en tout cas qu'il avait lieu dans sa forme la plus sévère, hein, la plus rude, la plus close, dans le Baudelaire. À un moment où Sartre fait de la psychanalyse existentielle sans le savoir, en quelque sorte, enfin sans l'avoir tout à fait formalisé, et qu'il était capable, une fois qu'il avait défini cette méthode pour le Genet, de... Alors, lui qui n'est pas poète, hein, l'impossibilité, l'échec, c'est aussi effectivement, c'est peut-être l'échec de Sartre à écrire de la poésie, il y a peut-être aussi une espèce de susceptibilité de ce côté-là, mais peut-être que sa solution à lui pour convertir l'échec poétique en, peut-être pas en, en réussite, mais en quelque chose de en une écriture, c'est la psychanalyse existentielle. Enfin, c'est-à-dire que comme si à l'intérieur du Genet, il pouvait revenir au genre poétique dans le dialogue avec ses propres genres à lui, c'est-à-dire la philosophie, la critique littéraire, le récit, puisqu'il raconte la vie aussi de Genet, et lui donner un statut qui n'est pas un statut forcément très effectivement. Qui n'est pas absolument différent de celui que la poésie a dans le Baudelaire, mais qui a un statut productif en quelque sorte. Et du coup, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, enfin, je ne sais pas si ce serait pour autant de l'ordre de la vitalité pure ou de la création pure, parce que c'est une configuration. Pour Sartre, il n'y aura invention de soi poétique que dans une configuration discursive très complexe et très, très indirecte finalement, et donc. Peut-être, enfin, il ne l'a pas fait cette philosophie de la création. Il a fait une philosophie du dispositif, quoi, par rapport à cette. Donc, est-ce que vous pouvez, enfin, ma question, c'est de savoir, quelles sont vos hypothèses par rapport à cette rapport entre la poésie et la psychanalyse existentielle, ou est-ce qu'il y a. Oui. Oui, je pense que c'est un point très délicat. De la pensée littéraire de Sartre. L'œuvre littéraire chez Sartre, c'est toujours dans un certain sens autobiographie. Donc l'œuvre elle-même n'est pas autonome. C'est toujours lié à la vie. Donc ça risque toujours de faire disparaître la littérature. Donc oui, j'admets ça. C'est le point très délicat de la philosophie sartrienne, je pense. Mais est-ce qu'il sauve la poésie en Genet ? En Genet, c'est en quelque sorte, c'est-à-dire, est-ce que c'est pourquoi c'est par Genet qu'il arrive à donner un statut positif, on va dire ça comme ça, là ? Parce que vous avez une hypothèse là-dessus. Est-ce que c'est un changement chez Sartre ? Est-ce que c'est la différence Genet-Baudelaire ? Alors il faudra parler du Flaubert après, ou c'est plus tout à fait bon. Mais je sais pas, c'est une vraie question. C'est un peu difficile à répondre. C'est sûr. Parce qu'il n'y a, je pense, à ma connaissance, aucun texte qui explique ça. Oui. Mais peut-être il faut. C'est un peu la chronologie, la question de la chronologie. Mm. C'est. Saint-Genet a publié en 1952, et c'est justement Sartre a commencé, où Sartre est devenu la compagnon de route du PC. Donc il y a d'un côté Sartre a engagé très politiquement, et pour contrebalancer, Sartre a commencé à reconnaître une autre moralité de. Que l'engagement politique dans la poésie. Oui, voilà. Moi, je voudrais répondre indirectement à ta question. Parce que je pense que ce que présuppose cette approche de la biographie existentielle, c'est finalement, on arrive à faire pour autrui ce qu'on est incapable de faire pour soi. Mais justement, il me semble que. Une fois de plus, l'échec est assumé. On ne peut pas lui reprocher cet échec. Et en plus de ça, dans la critique, il commence déjà à avoir les moyens, conceptuellement, de montrer que cette spirale, que le tourniquet en question, s'entre dans le rêve, ce n'est pas un tourniquet qui est hors du rêve. Effectivement, lorsqu'on est dans la nausée, on ne sort jamais du tourniquet dans un sens. Mais, il l'a fait une fois, ça ne l'a pas refaire pour lui. Donc, je ne pense pas que c'est une tentative indirecte de faire ce qu'il n'a pas pu. Non, c'est faire pas pour l'idée, ce n'est pas de dire que ce n'est pas du reprocher, au fond, c'est de reconnaître l'invention. C'est exactement ce que tu dis, il n'a pas répété la nausée, il a inventé quelque chose à l'intérieur de quoi il est capable à la fois de parler de lui, enfin. Parler de construire une identité, on va dire ça comme ça, pas forcément heureuse, mais bon, qui a quelque chose à voir avec l'identité. Et puis, en même temps, c'est ce qu'on vient de voir, de redonner un statut, peut-être un statut positif, pas un statut fonctionnel, opératoire à la poésie, comme poétique, effectivement, comme style de vie, comme... voilà. Donc, je dis pas qu'il y a un échec de ça. Enfin, je ne crois pas que ce soit exactement ça qu'on... L'idée, c'est qu'à un moment donné, il a mis des décennies, peut-être, à inventer une forme dans laquelle la poésie avait sa place, dans laquelle voilà, il était capable de... Enfin, c'est un peu comme ça que je le vois, mais effectivement, non, il n'a pas toujours face au même problème que de manière délirante, et je crois pas. Enfin, peut-être que si, mais il y a vraiment des solutions différentes, qui ne sont jamais la solution définitive, sans doute, quoi. Il y a de vraies différences, c'est ça qui est admirable, c'est-à-dire il n'y a pas que de la philosophie, il y a vraiment et puis même la philosophie évolue. Enfin, après, faut dire sur la critique de la raison dialectique que moi je connais très mal, donc je pense qu'il y a aussi, il faut regarder ensemble les choses. Claire, tu voulais poser une question ? Non, mais c'est vraiment, ça n'a pas grand-chose à voir, peut-être c'est pour une sorte de réflexion, de pause et de café, parce que c'est des choses que je connais vraiment pas très bien, mais quand même depuis 3 jours, on a l'impression que ce motif de l'échec, c'est quand même un peu la clé, enfin, il n'y a rien qui fonctionne, la phénoménologie, la poésie, la littérature, et je me demandais, est-ce que, à votre avis, il y a un concept... sartrien de succès. Est-ce qu'on peut réussir quelque chose pour ça? Non, mais c'est pas évident. Je pense que c'est une aporie. Mais c'est une aporie quand même. Qu'est-ce qu'on réussit chez Sartre? Enfin, qu'est-ce qu'on peut réussir? Je sais pas. Mais c'est la valeur concrète à réaliser, mais il suffit qu'on l'interroge pour voir qu'on l'a pas réalisé. Qu'on l'a pas réalisé, voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'interroger dans un certain sens. Ouais, tout l'intérêt de la psychanalyse existentielle, ouais, c'est de ne plus l'interroger. La question de ce que j'essaie de répondre. Je pense qu'on est toujours, on s'y met toujours en question. Et donc, ce succès, il est la valeur qui se rajoute temporairement dans un instant infime à notre identité et puis il devient un manque. Donc, c'est cette temporalité que je voudrais faire noter et cette pensée dialectique de la compréhension de la pensée de Jean-Paul Sartre. Qu'il y a, qu'elle existe partout dans l'être néant, dans la façon de se faire, dans la poésie, par exemple, en tant qu'échec dans un moment, et qu'il se pose comme engagement politique, et dans un autre comme théocite, parce qu'elle est vraiment l'expression de la contradiction de la vie. C'est vécu. Et sans conscience, il n'y a pas de vie pour lui, pour répondre à. Non, mais c'est embêtant, parce que quand même, si on ne peut rien réussir, on ne peut même pas réussir la révolution. Non, on réussit toujours. C'est vrai que c'est exactement. C'est vrai qu'il y a toujours ce ton au final. Il a rien achevé au plus. Bah, en fait, c'est quand même. C'est une pensée de la contingence radicale, une pensée de la finitude, et c'est en même temps une pensée de l'effort permanent, sans rentrer dans les catégories spéculatives, de l'effort permanent de se réapproprier, enfin, d'aller au-delà de ses propres limites. Par l'échec de la poésie, c'est l'échec d'un impossible. C'est la figure du dieu, c'est la figure de l'adéquation à soi. Ça me semble très très cohérent. Oui, mais c'est encore une fois, c'est pas un problème. Enfin, il y a plein d'échecs qui sont vachement bien pour ça. C'est très très créatif. Hein. C'est à la signification péjorative qu'on accorde à la notion d'échec, même au plan politique, c'est quelque chose. Enfin, c'est plus sérieusement, c'est. N'est pas du tout pour ça un motif de désillusion, de pessimisme, et c'est pour mais ça. Mais que... c'est-à-dire que ça relativise un tout petit peu, c'est ce que tu disais, la catégorie d'échec. À un moment, si c'est tellement bien d'échouer, le concept d'échec, il est un peu. C'est une théorie infaillible de l'échec. Infaillible, oui. C'est ça. Sûr. Je pense qu'il y a Husserl qui va répondre ça. Parce que pour Husserl, c'est l'erreur qui fait éclater la vérité. Donc, une fois que tu fais un échec, tu as déjà préparé pour une nouvelle tentative. Ouais, non, je... Donc, il n'y a pas de but final pour ça. Merci. C'est juste ce qu'on le fait. C'est dans l'effort de rejeter qu'on découvre que c'est quand même. Mais sinon, c'est ce qu'on n'a pas évoqué sur la question de l'échec, c'est que dans la critique de la raison dialectique, c'est le moment, encore une fois, tout au début du livre 1 de la praxis individuelle pratico-inerte, en fait, à partir d'où vient l'enquête sur le monde, d'où vient la démarche de réflexivité, tout simplement de la constatation qu'il ne se produit pas ce qu'on avait visé. Autrement dit, l'échec, c'est l'opérateur intellectuel qui pousse à la compréhension et qui pousse à l'action. C'est vraiment un ressort, c'est le ressort premier, même chronologiquement. Donc ça le rend. Alors évidemment, ça n'a pas la même charge que quand il y a du Baudelaire ou autre, mais il n'empêche que le ressort est là. L'échec pousse à son propre dépassement. Donc c'est aussi un appel à la faire, la révolution, par exemple. À l'art tenté. Non, je suis d'accord.